comme un petit soldat d'une piche, mais il tombe et se relève chaque fois. Il n'aime du combat que nos corps dans les draps. Mon amour pour toi et ta jeune scélérat. Mon amour pour toi est comme un cheval de bois qui balance et aussi pour mieux suivre tes pas. Il aime les bascules quand le cœur s'accélère. Mon amour pour toi et ta douceur sévère. Mais toi, toi tu es dans mes bras, dans mon sang et dans ma voix. Mon doux petit soldat, mon amour pour toi est comme un Buster Keaton. Il est sérieux parfois, va trop vite et t'attonne. Moi j'ai le cœur à rire de t'avoir dans mes bras. Mon amour pour toi est comme un cheval de Troie. Et moi je ne suis pas un autre petit soldat. J'aime l'enfant et la femme, je prends tout à la fois. Juste oublions le temps sur nos peaux ma douceur. Ton dragon intérieur qui sort d'y faire peur. Mais toi, toi tu es dans mes bras, dans mon sang et dans ma voix. Petit soldat.